Akadji. C'est Magadji. Je crois que je vais finir solo. Akadji en a marre que je traîne dehors. Des cheveux longs sous mon polo. Merde alors. Magadji elle a le plus de moi. Mais c'est vrai que des fois elle doute de moi. Je lui ai dit écoute-moi, je suis fou de toi. Mia moi je l'aime trop, toutes ses manières. Je la connais depuis jeune, ça date pas d'hier. Elle était là bien avant toute ma carrière. C'est pas mes potes, c'est elle qui surveille mes arrières. Oh Magadji, j'compte sur toi fort, ne me salis pas. Oh Magadji, j'te fais confiance, ne me trahis pas. Femme de caractère, elle a trop de manières. Elle veut la robe et croit qu'on va se marier. On vit dans une époque où elles sont toutes aliens. J'suis dans le Porsche avec une belle italienne. Trop de maquillage, pas de mariage. J'suis au Baléares avec Nawel et Maria. Posé en terrasse en train de siroter sangria. J'ai une préférence pour les métis et Arbia. Pété comme Bob Marley, les bonitas. C'est plus comment parler, señorita. J'ai sorti la quichta, que des pistas. Chala le boule chargé, mamacita. La vida locale, la mort ou l'hôpital. Qui veut la coca, la cousa chiquita. J'appelle l'avocat, j'ai rangé la guitare. J'suis cramé. Oui c'est mon cœur, c'est Magadji. Je vis, je meurs pour Magadji. Je meurs pour mon cœur, pour Magadji. Je me sens tout seul sans Magadji. Trop belle, top modèle. Trop intelligente, Marie Curie, prix Nobel. J'arrête mon bordel, j'arrête mon bordel. Tout autour du monde, y'en aura jamais de comme elle. Je vois ni les jours ni les années qui passent. Je vois que l'amour est jamais, je me lasse. Je sens la chaleur comme le feu sur la glace. Le feu sur la glace. C'est la meilleure à mes yeux, c'est la plus belle. Je suis fou d'elle. Magadji. C'est la femme de ma vie, c'est ma collègue, ma prunelle. Magadji. Malgré les dettes, les problèmes et les querelles, c'est ma belle. Magadji. Quand tu parles d'elle, quand elle se promène, de quoi tu te mêles, c'est Magadji. Ma lova, je sais que je te rends loca. On s'était dit jusqu'à la fin, mais bon, l'argent m'appelle. Faut que je taille, oh ma baby lova. Tu peux rester si ça te plaît, tu peux rester mais sans te plaindre. Tu peux rester bébé, mais pas tester, tu sais. T'es consciente, mais quand même, toi tu nies les faits. Je te porte comme un trophée, peut-être que j'en ai trop fait. Ouh nana, non, c'est pas ma grosse. Des fois, je revends la droga. Baby mama, je refuse de perdre un dollar. Mais ça, c'est normal. Elle a passé ma passion, mais je dois passer à maman. Je t'analyse, tu peux partir, tu feras quoi que je dise. C'est vrai, je t'ai trompé, plus d'une dizaine. Mais t'es Magadji pour la vida. Te mettre avec moi, c'est les problèmes. J'en ai marre de voir couler tes larmes au parloir. Je me rappelle de nos virées dans le Cayenne. Et c'est toi la plus belle, pas besoin de miroir. Elle m'envoie je t'aime sur le PGP. On était ensemble, j'avais pas one. Dans le trafic, je laisse agiter. On ira à la Mecque et pas en Thaïlande. Et la noche, je ferme le rinté. Tu cherches à me joindre, mais je suis pas là. La Game Boy ne fait que biper. Je sers les clients, ne m'attends pas. Je rends, tu fouilles mes jeans. Tu penses que je suis avec des folles. Mais c'est toi la seule que je kiffe. De mon amour, t'as le monopole. Magadji ma nana, mon bébé ma moana. Elle me rappelle qu'elle est l'ennemi, car j'oublie tout sur marijuana. Mon bras droit ma copilote, sur la route du cash à fond évite la douane. Ma bébé ma gâté, un mélange de hada et de lulu le henna. Ma Teresa Mendoza, pas la même passion, le même dosa. Le kiss manque, j'vais le crosser, j'vais lui faire danser le makossa. Elle me rassure quand je doute, elle sait d'où on vient donc faut faire le double. On va de l'avant, pas de moonwalk. Vivons cachés, vivons loin des hassas. C'est la meilleure à mes yeux, c'est la plus belle. J'suis fou d'elle. Magadji. C'est la femme de ma vie, c'est ma collègue, ma prunelle. Magadji. Malgré les dettes, les problèmes et les querelles, c'est ma belle. Magadji. Quand tu parles d'elle, quand elle se promène, de quoi tu te mêles, c'est Magadji. Allez, passé, ça n'a pas marché. Rien à cacher, sac à mâcher, cœur arraché, j'l'ai cravaché. Elle vit pour moi, j'meurs pour elle, pour j'vais qu'à lâcher. Fallait tout cacher, dis pas bon, on a tout gâché. On s'est clashé, s'est roulé par terre, notre love craché. C'est placé, tu déclassé, jeté l'œil bâtard, c'est déjà déplacé. La mienne est bonne, à faire classer, la tienne est bonne, qu'à se faire casser. Eh, c'est Magadji, c'est ma D. J'ferai pas la queue pour la voir, non. Rien à dire, c'est la D. J'suis mieux que j'tuerai des gens pour la voir. Oh ma chérie, oh mon bébé, tu sais comment que c'est, laisse les romancer. Oh ma chérie, oh mon bébé, allons danser, finir ce qu'on a commencé. Oh ma chérie, oh mon bébé, laisse les romancer. Oh ma chérie, oh mon bébé, allons danser, finir ce qu'on a commencé. La plus belle, la plus simple, gros, c'est Magadji. Elle a des belles fesses, elle regarde pas l'espèce, c'est Magadji. Elle rend fou, elle m'énerve des fois, mais bon, c'est Magadji. Des fois on vit l'enfer, mais dans ses yeux je vois le paradis. Elle est là quand tout s'y me laisse.